Chapitre 310. La réprobation de se disputer, d'élever la voix, de rechercher une bête ou un objet perdu, de vendre ou d'acheter, de louer, etc., dans la mosquée. 1696. Abu Hurayra, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Celui qui entend un homme faire un appel aux gens dans la mosquée pour retrouver une bête ou un objet égaré, qu'ils lui disent « Qu'Allah ne te le rende pas. » La raddaha Allahu alayk, car les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela. » Muslim. 1697. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dites-lui « Qu'Allah ne fasse pas prospérer ton commerce. » La arbaha Allahu tijaratak. Et lorsque vous y voyez quelqu'un faire un appel aux gens pour une bête ou un objet qu'il a égaré, dites « qu'Allah ne te le rende pas ». At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1698. D'après Buraïda, radiallahu anhu, un homme fit appel aux gens dans la mosquée en disant « Qui peut m'indiquer où se trouve mon chameau roux ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Puisses-tu ne jamais le retrouver ? Les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela. » Muslim. 1699. Amr ibn Shu'ayb rapporte d'après son père qui le tient lui-même de son grand-père, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit d'acheter ou de vendre dans la mosquée, d'y faire appel aux gens pour retrouver une bête ou un objet perdu, ou d'y réciter des poèmes. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1700. As-Sa'ib ibn Yazid, l'un des compagnons, radiallahu anhu, a dit « Alors que je me trouvais dans la mosquée, quelqu'un me jeta un caillou. Je regardais autour de moi et vis qu'il s'agissait de Omar ibn al-Khattab qui me dit « Va me chercher ces deux hommes ». Je les fis venir devant Omar, radiallahu anhu, qui leur demanda « D'où êtes-vous ?»« De Ta'if », répondirent-ils. Il dit alors « Si vous aviez été des gens de cette ville, Médine, vous auriez douloureusement payé le fait d'élever la voix dans la mosquée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Al-Bukhari. 1700.